Ce véhicule fait plus de 16 mètres de long et son conducteur a l'intention de tourner sur sa gauche. Il est articulé, ce qui fait que sa remorque va couper le tournant et empiéter sur la voie où circule la voiture rouge. Le conducteur de la voiture rouge doit réagir vite et bien et s'arrêter immédiatement pour faciliter la tâche au conducteur du poids lourd. Réponse B.